Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 116. Du destin. Il y a un destin, sa nature, sa puissance. 1. Y a-t-il un destin? Il y a un destin, si l'on entend par là que ce qui arrive ici-bas est soumis à la divine providence, qui a tout réglé et tout préparé d'avance. Le destin, dit Boès, est une disposition inhérente aux choses mobiles, par laquelle la providence les soumet à ses desseins. Donc le destin est quelque chose. En effet, les événements qui semblent provenir de la fortune ou du hasard n'en sont pas moins l'objet d'une intention spéciale dans la cause supérieure. La rencontre de deux serviteurs envoyés au même lieu par un maître qui n'a pas fait connaître à l'un la mission de l'autre, est fortuite pour eux, mais elle ne l'est pas pour le maître lui-même, qui a tout ordonné. De même, ce qui arrive ici-bas par accident, soit dans le monde physique, soit dans le monde moral, doit être rapporté à une cause supérieure qui prédispose tout, c'est-à-dire à la providence. Voilà en quel sens nous pouvons admettre le destin. Mais nous devons dire qu'à cause de ceux qui appliquaient ce mot à l'influence des astres, les pères de l'Église n'ont pas jugé à propos de l'employer. Si quelqu'un, disait saint Augustin, attribue les choses humaines au destin, parce qu'il appelle de ce nom la volonté et la puissance de Dieu, qu'il retienne son sentiment, mais qu'il corrige son expression. 2. Le destin est-il dans les choses mêmes? Le destin, qui, selon la définition citée plus haut, est une certaine disposition inhérente aux choses mobiles, peut être considéré sous un double rapport. D'abord il est en Dieu, en tant que cette disposition se nomme la providence, puis il est dans les choses, en tant que cette même disposition constitue l'enchaînement des causes coordonnées par Dieu. 3. Le destin est-il immuable? Considéré dans les causes secondes, le destin n'est pas immuable, car l'enchaînement des causes et des effets n'est pas absolument nécessaire, d'après ce que nous avons dit. Considéré par rapport à la divine providence, le destin est immuable d'une nécessité non absolue, mais conditionnelle, dans le sens que, si Dieu a prévu qu'une chose doit être, elle sera. 4. Toutes les choses sont-elles soumises au destin? Tout ce qui est soumis aux causes secondes est également soumis au destin, mais les choses qui, comme la création du monde, la glorification des substances spirituelles et autres de même nature, sont l'œuvre immédiate de Dieu, lui échappent, parce qu'elles n'entrent pas dans la série des causes secondes. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.